connaît le secret d'un trésor merveilleux. Les distances sont inconnues, on les dit infinies. La Terre est là, la Terre est proche. Envolons à 1000 pieds. Paris à virée de bord, cap sud-sud-est. A-t-on des nouvelles de monsieur de Lapérouse ? Louis XVI aurait posé la question juste avant de monter sur l'échafaud. Cela faisait alors 5 ans que l'Astrolabe et la Boussole, les deux bateaux de cette grande expédition scientifique partie explorer les côtes lointaines, avaient disparu à l'autre bout du monde, quelque part dans l'océan Pacifique. Des générations de marins et d'explorateurs sont partis sur les traces des deux navires et de leurs équipages. D'abord pour retrouver le lieu du naufrage, puis pour savoir ce qu'il était advenu des éventuels survivants. Une enquête de plus de 200 ans qui a permis de répondre à beaucoup de questions. Aujourd'hui, les archéologues ont reconstitué la chronologie de la fin tragique de l'expédition, même si une part de mystère demeure. C'est ce que nous allons voir dans ce second épisode de notre bivouac, dans le sillage du comte de Lapérouse, en compagnie de l'historien voyageur Bernard Jiménez, auteur de l'expédition Lapérouse aux éditions Glénat. La semaine dernière, il nous a raconté les 3 premières années de l'expédition. Et Jean-Christophe Galipeau, qui nous a rejoint. Archéologue à l'IRD, il signe Au-delà d'un naufrage, les survivants de l'expédition Lapérouse, une coédition Errance IRD. Spécialiste de l'Océanie, il a mené plusieurs fouilles sur Vanikoro, petite île du Pacifique où s'est brutalement interrompu le mythique voyage de la boussole et de l'astrolabe. Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé sur France Inter. Dans la nuit, le cyclone arrive, le vent les pousse, il les chasse et d'un seul coup se dresse la barrière. Le déferlant énorme de la houle qui se fracasse sur les têtes de corail. Le bateau, le réflexe est de mouiller pour essayer de se retenir. Et en même temps lance un signal pour le bateau qui suit en disant attention, pour nous c'est le drame. Le bateau mouille, il évite au vent, l'arrière s'encastre. L'autre bateau prévenu arrive à se dégager un petit peu. Au milieu du passage se dresse une cathédrale de corail sur laquelle l'astrolabe s'empale. Les mâts tombent, mais le bateau reste. Monsieur de Lamanon, minéralogiste, porté disparu. Messieurs Dagelet, astronome. Bernizet, géographe. Duché de Vancy, peintre naturaliste, porté disparu. Monsieur Prévost, dessinateur, porté disparu. Monsieur de la Martinière, botaniste, porté disparu. Robert-Marie Le Gall, maître charpentier. Roux d'Arbaud, garde de la marine, porté disparu. Monsieur de Lapérouse, capitaine de vaisseau, commandant de l'expédition, porté disparu. Bonjour Jean-Christophe Galipeau et Bernard Jiménez. Bonjour. Jean-Christophe Galipeau, à partir de quand on commence à s'inquiéter en France pour les membres de l'expédition Lapérouse ? On s'inquiète très tôt, mais en France, à l'époque où l'expédition aurait dû rentrer, ça se passe mal. Et oui. C'est le début de la Révolution et il est difficile en fait de coordonner les efforts pour réfléchir à ce qui peut se passer du côté de l'expédition Lapérouse. Mais on voit bien qu'à partir de 1790, il y a beaucoup d'interrogations en France, beaucoup de rumeurs qui arrivent déjà en France. Et on pourrait même dire que dès 1789, il y a des personnes qui se posent la question de savoir pourquoi les deux bateaux n'ont pas donné signe de vie. Et oui, parce que Bernard Jiménez, le bateau, on l'a raconté la semaine dernière, était parti en 1785 pour un voyage de 4 ans. Donc en 89, il devrait être de retour. Oui, au printemps 89, les deux navires auraient dû aborder l'île de France, l'île Maurice aujourd'hui, et ces bateaux-là ne se sont pas présentés à l'île de France. Alors en 1791, l'Assemblée nationale envoie très officiellement 2 navires à la recherche de l'équipage et des 2 bateaux de Lapérouse. Oui, et on peut dire qu'on a eu de la chance, parce qu'en 1790, Banks, qui est le président de la Société Royale de Londres, informe la France qu'on a eu des nouvelles de Lapérouse, qu'il est à Batavia, Jakarta aujourd'hui, et que les bateaux sont en très mauvais état. Il apprend aussi, il l'a obtenu d'autres capitaines de bateaux, que le pot de Dagelet, l'astronome de l'expédition, est décédé. Donc, en 1790... En France, c'est le soulagement. Et c'est 1 an plus tard, quand on s'aperçoit que finalement cette rumeur n'était pas fondée. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulaient à l'époque déjà. Exactement. Et parce que il va y avoir une véritable pression de la part des chercheurs français pour retrouver leurs collègues, on va décider d'envoyer cette nouvelle expédition. Et alors, comment ça va se passer, cette expédition ? Alors, cette expédition, malheureusement, elle a un destin presque aussi tragique que celle de la Pérouse. C'est une expédition qui a été montée dans l'urgence, avec des personnes excellentes, vraiment les personnes idéales pour ce genre d'expédition, mais qui n'étaient pas préparés à ce long voyage. Ils vont faire un voyage dans le Pacifique qui est absolument phénoménal. Ils vont tourner deux fois autour de l'Australie. Ils vont longer toute la Mélanésie une première fois. Ils vont revenir en Mélanésie et chercher dans ces îles. Mais à l'époque où ils reviennent plus précisément chercher dans ces îles, en suivant des rumeurs récentes qui disent que l'on a vu des indigènes avec du fer et des uniformes français dans une île des Salomon. À cette époque, l'expédition est en déroute. Tout le monde est très fatigué. D'Entrecasteaux est mourant et ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont passer très près de Vanikoro. Ouais. Ils vont passer très près de Simbo, cette île des Salomon, où il y aurait pu y avoir quelque chose. Et ils ne s'arrêteront pas. Ouais. Ils ont un contact dans les Santa Cruz, à Nende, juste au-dessus de Vanikoro. Les indigènes arrivent avec leurs pirogues, leur montrent des objets en fer de la verroterie, dont on sait que la Pérouse en transportait beaucoup et la distribuait aux indigènes. Et d'Entrecasteaux, Rasmo, qui pour moi est triste et malheureux, de dire ce n'est pas avec ces morceaux de verroterie ou ces petits bouts de fer que l'on peut démontrer que la Pérouse est passée par là. Oui. Donc en fait, mauvais enquêteur finalement. Je pense mauvais moment. Ils sont vraiment passés dans le point chaud, tout près des épaves, à un moment où ils n'étaient plus en état d'enquêter sérieusement. Alors il faudra attendre 40 ans, une quarantaine d'années, pour retrouver la trace de la Pérouse. C'est un certain Peter Dillon qui va faire la première découverte. Qui est-il, Peter Dillon ? Bernard Peter Jiménez. Dillon, c'est un aventurier des mers qui, avec son bateau, le Saint-Patrick, en mai 1826, à bord d'une île tout proche de Vanikoro, Tikopia. Et là, il vient retrouver deux anciens marins qu'il avait laissés là des années plus tôt. Et des habitants de cette île vendent à l'un de ces marins, à lui, une garde d'épée en argent. Et Dillon comprend instantanément que cette arme appartenait à l'expédition de la Pérouse. C'est la poignée de l'épée. Hein, c'est la poignée de l'épée. Elle est gravée avec les initiales de la Pérouse. Elle est gravée, effectivement. Hein. Elle est gravée. Et puis, il y a d'autres objets avec cette poignée d'épée à Tikopia à l'époque qui montrent bien qu'on a affaire à des Français. Bon, en plus, je crois qu'on peut dire Dillon, c'est un véritable aventurier. Il a déjà passé des années dans le Pacifique. Il a été un moment à Tahiti ou sur l'île. Il a appris le tahitien. C'est un homme qui est très adapté au monde pacifique et qui sait se débrouiller. Sauf que quand Peter Dillon déclare avoir trouvé tout cela et être sur une piste sérieuse, il n'est pas forcément pris au sérieux. Il a une réputation sulfureuse, ce Peter Dillon. Il est intéressé. C'est un aventurier. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte du Pacifique à cette période-là. 1788, la Pérouse fait naufrage à Vanikoro. Il fait naufrage à la limite du monde connu. Les Salomon, on les connaît déjà. Mendana était à la fin du XVIe siècle dans les Santa Cruz déjà. En 1788, les Anglais viennent de coloniser l'est de l'Australie. Et donc, il va y avoir des tas d'aventuriers qui vont commencer à s'aventurer dans les îles à la recherche des bonnes affaires. Et les bonnes affaires, c'est quoi ? C'est le bois de santal. Un peu plus tard, ça sera la main d'œuvre pour les plantations. Mais c'est aussi les trésors. Il y avait un bateau qui avait fait naufrage à Fidji, l'Elisa, rempli d'argent. Peter Dillon était dans le coup. Et Vanikoro, évidemment, ils le savaient tous qu'il y avait quelque chose à retrouver. C'était le bateau de la Pérouse. Oui. Il y a cette recherche de trésors. Il y a aussi la prime, la récompense. La France a promis une prime à qui retrouverait l'épave de la Pérouse. Oui, effectivement. Et pour Dillon, ça a été très important. Dillon s'est battu. Il a tout fait. Dumont d'Urville en parle beaucoup. Dumont d'Urville a eu le mauvais rôle dans cette histoire. Puisque ils sont en concurrence. Hein. Jules Dumont d'Urville, qui lui est plus un explorateur plus digne, envoyé par le roi pour explorer le monde. Et c'est lui, d'ailleurs, qui dit beaucoup de mal de Dillon. Et il regrette que Dillon ait ce coup d'avance sur lui aussi. Il lui en veut d'arriver en deuxième sur la recherche de l'épave. Oui, en effet, il a de quoi lui en vouloir. Il est parti de France bien décidé à retrouver les traces de la Pérouse et il apprend en arrivant en Tasmanie que, en fait, il a été coiffé au poteau. Et Dillon ne s'est pas gardé de faire de la publicité sur son expédition et le succès de son expédition. Et quand il est évidemment fier, quand il arrive auprès du ministre de la Marine, Charles X, quelques années plus tard, pour lui remettre les objets qu'il a recueillis. Nous avons récolté encore des objets. Nous avons reçu à bord un vieillard qui n'était pas un autochtone. Malheureusement, il avait perdu l'esprit. Il n'a rien dit à propos du naufrage, mais ces objets, cette cloche, cette poignée d'épée, je suis sûr qu'ils appartiennent à la boussole ou à l'astrolabe. Non. Et j'ai l'honneur de les remettre au gouvernement français. Oh, monsieur Dillon, votre geste touchera énormément Sa Majesté Charles X. Je vais lui adresser un rapport indiquant que la récompense prévue pour le marin qui le premier découvrira les traces du naufrage de la Pérouse vous revient de droit. Je vous proposerai également, pour la décoration de l'ordre royal de la Légion d'honneur, une indemnité de 10 000 francs vous sera attribuée à titre de remboursement des dépenses que vous avez faites pour cette expédition, et une pension viagère de 4 000 francs vous sera versée. Merci, monsieur le ministre. Nous allons malheureusement pouvoir refermer le dossier La Pérouse. C'est un peu vite dit, hein. Le dossier La Pérouse est loin d'être refermé. Alors, ils mènent aussi une enquête, ils essayent de recueillir des témoignages. Il faut bien se rappeler, le naufrage a eu lieu 40 ans auparavant. Il y a encore des témoins directs du naufrage qu'ils peuvent interroger. Oui, il va falloir recueillir les témoignages. Alors, les autochtones racontent le naufrage, une nuit de tempête. Les deux bateaux se sont encastrés contre le corail. Et puis ensuite, il y a des récits qui divergent. Ouais. Et donc, on va noter ces divergences et essayer aujourd'hui d'en démêler les chevaux. Alors, en voici un de ces récits que vous reproduisez dans votre livre « L'expédition La Pérouse », Bernard Jiménez. C'est un récit que fait Wally, un chef de Vanikoro. Il est âgé de 55 ans au moment où il fait ce récit. Donc, il a connu à 15 ans le naufrage. Il y a bien longtemps que les habitants de cette île, sortant un matin de leur maison, aperçurent une partie d'un vaisseau sur le récif en face de Payou. Il y demeura jusque vers le milieu du jour, où la mer acheva de le mettre en pièces. De grandes portions de ses débris flottèrent le long de la côte. Le vaisseau avait jeté sur le récif pendant la nuit, car il y avait eu un ouragan terrible qui brisa un grand nombre de nos arbres à fruits. Nous n'avions pas vu le vaisseau la veille. 4 hommes échappèrent et prirent terre près d'ici. Nous allions les tuer, les prenant pour des esprits malfaisants, quand ils firent présent de quelque chose à notre chef, qui leur sauva la vie. Ils résidèrent parmi nous pendant quelque temps, après quoi, ils allèrent rejoindre leurs compagnons à Payou. Là, ils bâtirent un petit vaisseau et s'en allèrent dedans. Aucun des 4 hommes n'était chef. Tous étaient des inférieurs. Nous ne tuâmes aucun des hommes du vaisseau, mais il vint à la côte plusieurs cadavres qui avaient les jambes et les bras mutilés par les requins. Dans la même nuit, un autre vaisseau toucha le récif, près de Wahanu, et coula à fond. Il y eut plusieurs hommes qui se sauvèrent. Ils bâtirent un petit vaisseau et partirent 5 lunes après que le grand vaisseau fut perdu. Pendant qu'ils bâtissaient le vaisseau, ils avaient planté autour d'eux une forte palissade de troncs d'arbres pour se garantir de l'approche des insulaires. Ceux-ci, de leur côté, les craignaient, de sorte qu'il y eut peu de communication entre eux. Les hommes blancs avaient coutume de regarder le soleil à travers certaines choses que je ne puis dépeindre ni montrer, parce que nous n'avons aucune de ces choses. Jean-Christophe Galipeau, c'est une des versions, un des témoignages recueillis par Peter Dillon. Dumont d'Urville va également recueillir des témoignages. Tous ne vont pas dans le même sens. C'est très difficile de faire la part des choses et de savoir ce qui s'est réellement passé. Il y a beaucoup de témoignages qui font état de survivants quand même. Oui, en effet, on parle des survivants, on parle du lieu où ces survivants sont installés. Mais ce qu'il faut dire pour ces témoignages, c'est que Dillon parlait tahitien, avait un interprète avec lui qui était ticopien. Le ticopien, c'est une langue polynésienne. Donc, il avait une certaine compréhension à travers son interprète ticopien de ce que pouvaient lui dire les habitants de Vanikoro. Sauf que les ticopiens, à l'époque, des Polynésiens installés dans l'île voisine de Vanikoro, avaient des vues sur Vanikoro. Donc, ils ont probablement profité de l'arrivée des navires de la Pérouse et du naufrage pour prendre pied d'une façon durable sur Vanikoro. Ils convoitaient ces terres. Oui. Il y a deux populations qui s'affrontent en fait localement et qui peut-être ont utilisé l'événement en faisant porter des attaques ou des dégâts à l'autre camp, c'est ce que vous dites ? Exactement. Et c'est ce qu'on voit très bien quand on lit toutes ces traditions, qu'elles aient été recueillies par Dillon ou par Dumont d'Urville, qui lui avait un peu plus de difficultés à comprendre ce que les gens voulaient lui dire. Mais les deux, on retrouve bien la même chose. Suivant le village d'où est issu l'interlocuteur, on va avoir une version différente. On arrive cependant à démêler en partie les chevaux et on arrive à savoir ce qui s'est passé d'une façon générale. Et tout ce qu'on a pu faire comme recherche depuis 1981 à Vanikoro a montré que le fil principal de l'histoire, le naufrage, le bateau qui s'écrase sur le récif avec très peu de survivants, le deuxième bateau qui s'échoue, le camp à terre, etc. Tout ça est probablement vrai. Il a fallu 40 ans pour localiser le lieu du naufrage, mais il faudra attendre bien plus longtemps pour préciser la chronologie des événements et confirmer qu'il y a eu des survivants. Combien de personnes ont survécu et dans quelles conditions ? Vous allez nous raconter la suite de cette enquête archéologique passionnante, le temps d'un bivouac sur les traces des naufragés de l'expédition La Pérouse. One breath away from Mother Ocean. C'était Björk, Océania, le temps d'un bivouac. Inter-actualité. On a retrouvé, vous le savez peut-être, Le vaisseau de La Pérouse, la boussole, c'est son nom, disparu depuis 1788, depuis 176 ans. Le commandant de Brossard, qui a retrouvé l'épave près de l'île de Vanikoro dans le Pacifique, est arrivé cet après-midi à Orly. Il a rapporté dans ses bagages la cloche de la frégate. Le commandant de Brossard a dit à Pierre Demont comment il a repéré le navire englouti. À quel endroit avez-vous repéré cette épave ? Eh bien, ça a été trouvé à Vanikoro, comme on s'y attendait. On savait que deux bateaux avaient sombré à Vanikoro. On avait plusieurs pistes, plusieurs traces, on ne savait pas exactement où elle était. Et comment se sont effectuées exactement ces recherches ? Nous avons eu énormément de chance. Nous savions où était l'épave, mais il s'agissait de l'identifier et par conséquent de trouver quelque chose de formel qui puisse nous permettre d'affirmer qu'il s'agissait bien d'un bateau entier d'abord et de la boussole ensuite. Et il s'est trouvé que le premier jour a été un jour de beau temps. On a plongé aussitôt sans perdre de temps. Et dans la première journée, nous avons eu la chance de remonter deux pièces essentielles du bateau. La cloche du bateau qui est un objet unique. Et un morceau de pompe principale dont il n'existe qu'un exemplaire à bord de ces bateaux-là. Bernard Jiménez, nous étions en 1964 et l'on identifiait formellement, nous disait-on en tout cas dans Interactualité, la boussole, l'épave du bateau dont La Pérouse était le commandant, parce qu'il était à bord de la boussole. Hein. Lui, La Pérouse, l'astrolabe, était confié à un autre. Ces épaves, on a l'impression qu'on les découvre et qu'on les identifie, qu'on les confirme, qu'on les certifie à plusieurs période dans l'histoire. Il y a toujours eu un doute sur ces épaves. Oui, il y a longtemps eu un doute. C'était Dumont d'Urville a repéré la première épave dans la fosse passe. On pensait que c'était l'astrolabe, mais on n'en était pas certain. Et on n'avait pas trouvé la boussole. Et c'est un plongeur professionnel, Rhys Discombe, un néo-zélandais, qui vivait aux Nouvelles-Hébrides, Vanuatu, aujourd'hui, qui régulièrement, lorsqu'il avait des missions sur Vanikoro, pour la Timber Company, qui était une compagnie qui exploitait le bois de Kaori, plongeait régulièrement tout autour de l'île. Et en 1962, il a découvert ce qui pensait être l'épave de la boussole. Mais il a gardé le secret pendant 2 ans. Ah oui. Il était ami avec le commissaire résident des Nouvelles-Hébrides, Monsieur Delaunay. Ils ont monté une expédition en 64. Et comme on vient de le voir, en 64, les plongeurs ont pu remonter une cloche qui était annotée Pichard. Et aussi un grand quart de cercle de 3 pieds de rayon, donc environ 1 mètre, signé Langlois. Et ce quart de cercle, il ne pouvait être que sur la boussole. Donc la boussole était retrouvée. D'autres expéditions plus récentes auxquelles vous avez participé, Jean-Christophe Galipeau, sont venues, là encore, identifier les navires. C'est une véritable enquête et c'est ce qui est fascinant, c'est que sur 200 ans, des pièces sont apportées au dossier. Entre 1986 et 2008, plus de 7 expéditions ont été menées au large de Vanikoro, et là encore, on a pu préciser des choses. Oui, en effet. C'est vrai que cette histoire, La Pérouse, c'est une histoire à rebondissement. Quand Rhys Discombe découvre l'épave de la boussole et qu'on l'identifie, à l'époque, on pense l'identifier formellement, on pense que l'histoire est terminée. C'est ce qui manquait, finalement. On n'avait pas trouvé la deuxième épave. Ensuite, il y a un temps d'arrêt. Et puis, en 1981, des passionnés de Nouvelle-Calédonie vont à Vanikoro, achètent aux habitants des objets, reviennent à Nouméa en disant « mais finalement, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas sur cette histoire » et font une exposition et l'association Salomon naît. Dans les années 80, il va y avoir plusieurs expéditions, vous le disiez. En 1986, avec les archéologues du musée d'Oniara, donc aux îles Salomon, qui va permettre de chercher pour la première fois le lieu présumé du camp. Ils vont trouver des indices, mais qu'ils n'associeront pas avec le camp des Français à l'époque. Ensuite, en 1990, avec l'IRD et une archéologue, Andy Piazza, en 1999, donc, on découvre le camp, etc., etc. Et toutes ces expéditions, à chaque fois, permettent d'y voir un peu plus clair. Bernard Jiménez, à partir de quand on identifie de façon claire et définitive où est l'épave de la boussole et où est l'épave de l'astrolabe? Alors l'astrolabe, on le savait, elle est dans la fosse passe, la boussole est contre la faille, mais on ne le saura exactement qu'en 2005, quand une expédition de l'association Salomon remonte un sextant signé Mercier. Et là, lorsqu'on fait le recoupement avec les archives, c'est absolument certain que l'épave de la boussole est bien celle qui est dans la faille. Oui, c'est un sextant. Ça c'est le morceau de limbe qui a été retrouvé. Alors ça c'était totalement désolidarisé. C'est plutôt ici parce que c'était très profond. Voilà. En fait il était soudé par la compression, on ne pouvait pas le sortir. Il a fallu la gratter avec le doigt. Le sextant est en bois, sans doute de l'ébène, capable comme le chêne de la coque des navires de résister aux pires conditions. Une lettre majuscule semble se dessiner. On peut voir un J et un H d'un côté, ou un M si on lit vers là. Mercier. Je me suis précipité dans les archives, et là, on a découvert, dans les instruments embarqués, le nom de Mercier. Et puis d'un seul coup, il devient pour nous l'indice qui nous manquait depuis des années pour l'identification de la boussole. Dans ma tête, ça fait bingo. J'ai dit, ça y est, on a gagné. Mais je ne croyais pas, j'ai regardé à deux fois, puisque Mercier, on ne connaît pas cette signature. Et je me suis dit, mais pourtant c'est bien Mercier, je suis retourné voir là-bas, j'ai regardé la signature qui était sur l'instrument, je suis revenu au bureau, j'ai regardé encore une nouvelle fois, et puis après je suis allé voir Michel, je suis allé voir les autres. Je leur ai dit, écoutez, je crois qu'on a quand même fait un grand pas là. Aujourd'hui, Jean-Christophe Galipeau, on a un scénario, une chronologie assez précise de la façon dont les deux épaves se sont échouées au même moment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, on confirme finalement ce que disait le chef à Peter Dillon. Par une nuit de tempête, un premier bateau s'écrase sur le récif et on sait aujourd'hui que le choc a été extrêmement violent. Et de ce bateau s'échappent 4 rescapés seulement. Et ce bateau, bien sûr, c'est la boussole. Le deuxième bateau, l'Astrolabe, voyant ça, tourne le long du récif et essaye de s'engager dans ce qu'il pense être une passe pour aller secourir les rescapés potentiels et s'engouffre dans cette passe. Malheureusement, à la sortie de cette passe, il y a un récif et il s'encastre sur ce récif. Donc l'Astrolabe est bloqué, mais pas détruit. Et ce sont les marins de l'Astrolabe qui vont aller installer un camp à terre. La Pérouse se trouvait à bord, lui, de la boussole. Il a donc sombré en même temps que son bateau. Oui, en effet, oui. On en est sûr de ça? La Pérouse n'a pas pu survivre à ce naufrage? Alors, on ne peut pas être sûr. On sait qu'il y a eu 4 survivants. On ne peut pas être sûr que la Pérouse n'était pas l'un de ces 4 survivants. Mais c'est peu probable, en fait, qu'il ait survécu. Des plongées ont été menées en 2003 sur l'épave de la boussole et elles ont abouti à la découverte d'un crâne. Il y a un type entier ou pas ? Il est entier, oui, il n'y a pas de doute. C'est vraiment... c'est impressionnant. C'est humain, ça c'est sûr. Parce qu'on aurait pu imaginer qu'il y ait des grands singes, etc. Je pense que c'est le point culminant de tous les travaux de vous tous, de l'association, et c'est un triomphe collectif et historique à la fois. Il faut comprendre qu'il est là depuis 220 ans. Et puis ensuite, on a affaire à quelqu'un qui est parti de chez lui, qui a peut-être laissé une femme et des enfants. Donc ça, je voulais qu'on garde une petite pensée pour cette famille qui un jour a vu partir un homme et ne l'a pas vu revenir. Alors c'est un squelette qui va être bavard, c'est-à-dire qui va donner un maximum d'informations. Un extrait du film du réalisateur Yves Bourgeois pour Thalassa. Son film va relancer l'intérêt du grand public pour cette énigme, la Pérouse. Ce crâne retrouvé a été étudié, Jean-Christophe Galipeau. Oui, il a été étudié pendant plusieurs années. On aurait aimé pouvoir mettre un nom sur les restes de cette personne. Malheureusement, ça n'a pas été possible. On a quand même été assez loin. On sait que c'est un homme qui était âgé d'une 30aine d'années. Donc ça ne peut pas être la Pérouse, puisque la Pérouse avait 46 ans au moment du définitivement. C'était visiblement un officier ou un savant. Il avait une dentition en très bon état, etc. Et on a donc cherché par déduction sur la boussole qui pouvait être cette personne-là. On a aussi cherché parmi les descendants possibles en faisant des études généalogiques et d'ADN. On n'a pas de résultats probants aujourd'hui, mais le candidat le plus vraisemblable serait Jacques-Joseph Lecor, qui était second chirurgien à bord de la boussole. Vous avez, avec d'autres scientifiques, reconstitué le visage à partir du crâne. Alors, je ne sais pas si c'est plus scientifique que symbolique, mais ça donne tout d'un coup un visage à ce naufrage. Ça rend très très proche la catastrophe. Oui, c'est le. Et moi, je pense que la découverte de ce crâne, finalement, c'est un symbole. C'est les seuls restes humains, ou pratiquement les seuls restes humains que l'on ait de cette malheureuse expédition. C'est quelque chose d'extrêmement symbolique et important. Alors s'il y a eu des survivants sur la boussole, vous l'avez dit, ils étaient très peu nombreux, 3 ou 4 maximum. C'est surtout sur l'Astrolabe qu'il y a eu des survivants. Combien d'hommes ont survécu ? Compte tenu de ce qu'on sait des conditions de la mise sur le récif de l'Astrolabe, on peut imaginer que tout le monde a survécu sur l'Astrolabe. Alors maintenant, on ne peut pas savoir très exactement combien de personnes il y avait sur l'Astrolabe, parce que après le massacre de Tutuila aux îles Samoa et Botany Bay, il y a eu pas mal de mouvements. Et ces mouvements ne sont pas toujours documentés. Donc on ne sait pas avec certitude qui était sur quel bateau. Mais alors, un nombre, une fourchette ? Une centaine de personnes. Une centaine de survivants. Oui, on peut imaginer qu'il y a eu une centaine de survivants, oui. Alors, comment se sont organisés les survivants sur l'île? Combien de temps sont-ils restés là? Et que sont-ils devenus? Vous allez nous dire dans un instant ce que les fouilles archéologiques menées sur place ont révélé. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter. Le soleil, Sacramento, goudron fondu, l'après-midi. La voiture brûlante, le capot. Sur le garçon, une fille s'appuie. Alors vouloir être à leur place, alors sentir mon cœur qui bat. Le motel Minnesota est sur les fleurs du couvre-lit. Dans 3 minutes, il entendra ses pas approchant dans la nuit. Juste vouloir être à leur place, juste sentir mon cœur qui bat. La chamade. La chamade. La chamade. Le drive-in dans l'Idaho. Elle vient d'attraper la portière. À 23h, l'air est si chaud, alors s'embrasser à l'arrière. Ce soir, vouloir être à leur place, ce soir, sentir mon cœur qui bat. La peur des adieux, pourtant vouloir être à leur place, pourtant sentir mon cœur qui bat. La chamade. La chamade. C'était la chamade, le temps d'un bivouac sur France Inter par Vincent Delerme. Il y a une ferrière qui a été vue par Clifton en 1883, une croisée au large, et avec la longue vue, il aurait vu un défriché. Alors on peut imaginer que les naufragés ont fait certainement une installation pour être vus en permanence sans avoir besoin de guetter le large pendant des mois, voire des années. Et dans ce défriché qu'on voit d'ailleurs, qu'on aperçoit, tu le vois là ? Ouais. Hein ? On va y aller, c'est certainement un glissement de terrain. Lui avait pris ça pour un défriché. Il aurait vu au centre comme un cairn de pierre. Et on imagine que les gens ont certainement mis un mode pavillon après le naufrage, de façon à ce qu'en permanence, il y avait quelque chose de visible. Voilà, en haut, tu vois la pomme ? Défrichez-le. D'accord. Mais ça paraît déjà nettement plus haut. Et ça me paraît nettement plus intéressant. Et là, il fallait qu'ils soient motivés pour monter là, quand même. Ah non, t'es motivé hein, quand il s'agit de te signaler. Et puis, plutôt que d'avoir des guetteurs en permanence pendant des semaines, voire des mois, voire des années, il vaut mieux avoir un mode pavillon, hein. Et là, on est à combien ? 1200 pieds, ça fait 400, 360 mètres. Ouais, mais comme promontoire, je veux dire, ouais, c'est fantastique. C'est parfait. Le scientifique Alain Conant aborde un hélicoptère survolant Vanikoro pour essayer d'identifier les sites sur lesquels les survivants de l'expédition La Pérouse auraient pu se réfugier. C'était une expédition menée au début des années 2000, un extrait d'un documentaire pour Thalassa. Depuis plus de 20 ans, vous participez, vous aussi, Jean-Christophe Galipeau, à ces expéditions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a compris de la façon dont se sont organisés les survivants de l'expédition La Pérouse ? Vous nous avez dit qu'ils étaient peut-être une petite centaine à débarquer sur cette île. Oui, on peut penser qu'il y a une centaine de survivants. Ils sont venus dans l'île, ils se sont installés dans un lieu qui s'appelle Payou, c'est ce que nous racontent les indigènes. Et en découvrant le camp en 1999, on réalise qu'ils avaient raison. Et quand on commence à fouiller, on s'aperçoit de deux choses. La première chose, c'est que ce camp, il a déjà été fouillé. Et la deuxième chose, après plusieurs expéditions de recherche à terre, c'est que finalement, ce camp, il ressemble plus à l'espace à terre pour des savants qui continuent à faire leurs recherches, plutôt que le camp de survivants qui désespère et essaye par tous les moyens de quitter cet endroit. Mmh. On n'a jamais retrouvé les traces d'un chantier naval, par exemple. Alors, ça nous permet de dire qu'il y avait probablement, au moment du naufrage, il y a eu déjà suffisamment d'officiers en place pour maintenir une organisation militaire et la vie a repris son cours. L'organisation des objets tels que vous les avez retrouvés, parce qu'on pourrait imaginer que ces objets ont été pillés par les habitants de l'île sur les épaves et puis qu'ils se les sont appropriés. Là, la façon dont les choses sont organisées, vous avez l'impression que c'était fonctionnel. Oui, en effet. L'étendue maximum du camp, c'est 300 mètres carrés. 300 mètres carrés, c'est assez peu finalement. On a fouillé 350 mètres carrés et on a atteint ce qu'on pensait être les limites partout. Sur ces 300 mètres carrés, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une zone où il va y avoir du matériel de cuisine, des bouteilles, etc. Il y a une autre zone où on trouve surtout des morceaux d'instruments scientifiques. Et il y a une troisième zone où on va trouver beaucoup de pierres à fusil, des balles de mousquet et un seul objet provenant d'un pistolet ou d'une arme plus grosse. Donc on voit bien que tout est organisé. J'ai écrit qu'il s'agissait probablement d'une maison, qu'on avait construit une maison de toile, peut-être, mais une maison. Un endroit, donc, où les personnes qui devaient rester à terre ou voulaient rester à terre ont pu être installées confortablement. L'organisation suggère la présence d'officiers. Ces marins n'étaient pas livrés à eux-mêmes, il y avait encore des chefs avec eux. Tout à fait, oui, tout à fait. Pour que les choses se soient passées comme ça, c'est qu'il y avait à la fois des chefs et à la fois de l'espoir. Si les chercheurs ont pu continuer à travailler, on imagine très bien le pot de Dagelet en train d'essayer de positionner l'île sur une carte ou de faire aussi ce qu'il essayait de faire partout où il passait. Parce que vous pensez vraiment que ces hommes qu'on imagine à bout de force, perdus au milieu de nulle part, avec l'idée que peut-être ils vont mourir bientôt, qu'ils ne sortiront pas, ont encore fait de la science, les scientifiques ont encore continué à explorer, à regarder le ciel. Pour l'astronome Dagelet, c'était l'astronome de la bande. C'est vraiment l'impression que la fouille du camp nous donne. Quelque chose d'organisé, on descend des objets de l'astrolabe pour être installé correctement à terre. Et bien évidemment, on n'a retrouvé qu'une petite portion de ce qui avait pu être laissé là-bas, puisque, comme vous le suggérez, ça a dû être pillé et on sait qu'il y a eu des fouilles sauvages avant. Ouais. Mais malgré tout, le peu qu'on a retrouvé nous dit réellement ça. Oui. Il doit y avoir des difficultés, d'abord parce que on est 200 ans après, donc pour la fouille, on imagine, et d'autres sont passés avant vous, et puis aussi les conditions climatiques du lieu doivent rendre ces fouilles particulièrement difficiles. Alors il s'est passé une chose, et finalement l'information, on l'avait, on l'interprétait mal. Quand Durville va à Payou les officiers de Durville vont à Payou, à l'endroit où on leur dit, ils demandent, ils insistent pour qu'on leur montre l'endroit où étaient installés les survivants. Et ils disent, on ne voit rien à cet endroit-là. Mais le guide qui est avec eux leur dit, mais vous ne pourrez rien voir parce que il y a eu un glissement de terrain. L'île de Vanikoro, c'est une île volcanique assez instable. Il y a eu un glissement de terrain très fort. La rivière a charrié de la boue et a recouvert le camp. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et le camp, on l'a fini par le trouver parce qu'on a fouillé à 1,40 m de profondeur. Alors qu'on s'imaginait pas du tout qu'il puisse y avoir des objets qui avaient 200 ans à cette profondeur. Pourquoi, selon vous, se sont-ils installés là, à proximité du village de Payou, en bord de mer? Est-ce que vous auriez fait ce choix-là à leur place? C'était probablement le meilleur choix. Ça ressemble à quoi, Payou? Payou, c'est une petite baie avec une plage. La baie est vraiment petite. La plage est assez peu développée aussi, mais il y a une petite rivière. Donc il y a un apport d'eau douce. Et c'est un apport d'eau douce permanent. C'est pas un ruisseau, c'est une petite rivière qui se jette dans le lagon. Donc c'est un bon endroit. Et cet endroit, on le sait à l'époque, n'était pas habité. À Payou, il y avait des jardins. C'était un espèce de no man's land. On était à la limite entre deux groupes qui ne s'entendaient pas. Donc, c'était l'endroit parfait. Ils ne le savaient probablement pas, mais c'était l'endroit parfait pour éviter les conflits directs avec les habitants. Et ils ont érigé, semble-t-il, une palissade pour se protéger. Donc, ils ont cherché à éviter les contacts avec la population de l'île. Oui, en effet, on le sait pour l'Australie, quand ils s'installent à Botany Bay et qu'ils reconstruisent des chaloupes après le massacre de Tutuila, ils érigent aussi une palissade. Et ils disent, on veut se protéger des indigènes. Ça a été un gros traumatisme, Tutuila. Et après ça, ils ne font plus aucune confiance aux indigènes qu'ils rencontrent dans les îles. Donc, à Vanikoro aussi, ils érigent une palissade. Les indigènes le disent. Et on a retrouvé, avec des instruments géophysiques, un magnétomètre, on a retrouvé les traces de cette palissade qui était semi-circulaire autour du camp. Combien de temps sont-ils restés là? Une question très difficile. Aujourd'hui, compte tenu des rumeurs qui se propagent très vite après la disparition des épaves, dans la région des îles Salomon, jusqu'au détroit de Torres, on pense qu'ils ne sont pas restés longtemps. On pense que dès le naufrage, une fois les survivants installés à terre, il y a un maximum de gens qui sont repartis sur les chaloupes qui existaient. Les chaloupes sauvegardées, peut-être de la boussole, mais sûrement de l'astrolabe. Ils avaient pas mal de bateaux à leur disposition. Et il y a quelques personnes, ou un certain nombre de personnes, on ne peut pas le dire, qui sont restées dans ce camp, attendant les secours, et les secours ne venant pas, qui sont probablement repartis. Donc, moi, je n'imagine pas qu'en dehors des deux personnes dont on sait qu'ils sont restés à Vanikoro, je n'imagine pas que les rescapés soient restés plus de 6 mois, 1 an maximum dans l'île. Des rescapés ont-ils réussi à quitter l'île? Des gens s'y sont-ils installés définitivement? Des rumeurs, des légendes, mais aussi des découvertes récentes permettent de l'envisager. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Dans un instant, nous allons évoquer avec vous les derniers mystères de l'expédition La Pérouse. Thank you. Salted Caramel Ice Cream, c'était Métronomie sur France Inter, la programmation musicale du temps d'un bivouac, est signée Thierry Dupin. Les naufragés de la Pérouse, ils débarquent à terre, à Payou. Là-bas, ils construisent un gros bateau avec les gens du coin, mais ils se fâchent avec eux. Alors les gens de Payou, ils font de la magie. About Labrus, they try to keep it to themselves. They have their own personal secrets. Sur la Pérouse, ils ne veulent pas révéler ce qu'ils savent. Chacun a ses secrets personnels. Mais je connais une vieille femme, Myriam Alaki, qui m'a raconté pour la Pérouse. Mais ça ne serait pas prudent de vous le répéter. Je pourrais vous dire des choses si on était ailleurs, mais dans l'île, quelqu'un pourrait entendre ce que je dis. Je ne peux pas vous en dire plus. Je crois qu'il vaut mieux que je m'arrête là. Encore aujourd'hui, les habitants de Vanikoro entretiennent le mystère autour de l'expédition La Pérouse et du naufrage. Lors de vos expéditions à vous, Jean-Christophe Galipo, à Vanikoro, vous avez eu le sentiment parfois qu'on vous cachait des choses, que la population locale savait des choses qu'on ne vous disait pas. Oui, bien sûr. La Pérouse, c'est un enjeu important pour les gens de Vanikoro. D'abord parce que tous ces blancs qui sont venus aux différentes époques pour chercher à comprendre ce qui avait pu se passer en 1788 arrivent, amènent de la richesse et donc font vivre un petit peu l'histoire. Et puis, il y a aussi ces fameux Tikopiens qui, aujourd'hui, revendiquent Vanikoro. Ils ont très fermement de raconter qu'ils étaient responsables de la mort des naufragés de la Pérouse, qu'ils les avaient tous massacrés, et que, étant responsables de leur mort et ayant les traditions qui prouvent que ce sont eux qui les ont massacrés, ce sont eux les véritables propriétaires de Vanikoro. Ouais. La Pérouse et cette expédition font maintenant partie de l'histoire de l'île de Vanikoro. En effet, c'est même, on pourrait presque dire que c'est une histoire fondatrice aujourd'hui, puisque Vanikoro, comme toutes les îles isolés du Pacifique, ont subi au XIXe siècle une très grave dépopulation du fait des maladies apportées par les premiers visiteurs blancs, mais aussi parce que beaucoup d'habitants ont été récupérés par ce qu'on appelait les blackbirders pour aller travailler dans les plantations. Et alors à Vanikoro, comme en France, beaucoup de rumeurs ont circulé dès le départ, hein, finalement. Par exemple, concernant le personnage de l'astronome Le Pote d'Agelet, que l'on a mentionné plusieurs fois, qui était tout jeune au moment du départ, 24 ans. Donc au moment du naufrage, il en avait 28. Et il revient, ce personnage, dans de nombreux récits comme ayant survécu. Qu'est-ce qu'on raconte à son sujet? Oui, Le Pote d'Agelet, c'est une histoire étonnante. Il y a une des rumeurs qui va arriver en France à un moment donné. Elle arrive assez tôt puisque elle est publiée à plusieurs reprises dans des journaux anglais et français entre 1802 et 1804. C'est qu'un bateau portugais, quelquefois un baleinier anglais, a récupéré un membre de l'expédition Vanikoro à l'est de Timor, pour les Portugais, qu'il a été emmené à Macao, où il est décédé. Mmh. Et on parle dans une de ces rumeurs très précises sur les conditions de cette rencontre, parle très clairement de l'astronome Le Pote d'Agelet. Alors, l'idée que des membres de l'expédition auraient quitté l'île à bord d'une embarcation de fortune a récemment été remise sur la table dans la revue scientifique The Journal of Pacific History par le chercheur Gary Hitchcock. Que raconte-t-il, ce chercheur, et est-ce que sa thèse vous semble crédible? Gary Hitchcock est un anthropologue australien qui est spécialiste des îles du détroit de Torres. Et dans ces îles, il a eu l'occasion, en parlant avec les habitants, d'apprendre ce qui s'était passé au XIXe siècle avec ces naufragés installés dans l'île. Et il y a une histoire en particulier qui l'a intéressé, c'est l'histoire d'un Indien, le Sheikh Jamal, qui en 1818, naufragé d'un bateau qui s'appelait le Morning Star, a atterri dans cette île où il a été accueilli pendant 4 ans. Et lors d'un voyage dans une île proche, cet Indien a vu aux mains des indigènes une montre en or, des sabres et d'autres objets européens qui pour lui n'étaient pas de facture anglaise. Cette histoire, on la connaissait depuis très longtemps. Mais Gary Hitchcock va revenir aux sources de cette histoire en retrouvant le journal de bord du capitaine du bateau qui, 4 ans après le naufrage du Cheikh Jamal, va le retrouver dans cette île. Alors évidemment, on se perd un peu dans toutes ces enquêtes, mais on sent qu'il y a encore la possibilité de découvrir des choses et de voir que certains survivants ont encore eu des vies finalement assez longues après le naufrage. Pour terminer, qu'est-ce que vous, archéologue, vous aimeriez découvrir sur Vanikoro ou dans les alentours? Qu'est-ce qui reste possible à prouver? Oh, c'est très simple. Bon, déjà, sur Vanikoro, trouver la tombe du dernier survivant. Et je crois savoir à peu près où elle est maintenant. Elle n'est pas à Paillou. Et ça fera l'objet d'une prochaine expédition de l'association Salomon. Ensuite, suivre les pistes. On s'aperçoit, quand on regarde toutes ces pistes, qu'il y a 2 périodes et 2 endroits. La première période, c'est juste en 1790, juste après le naufrage. Et là, c'est plutôt les îles de l'Amirauté, jusqu'au détroit de Torres. La deuxième période, c'est vers 1820-1830. Et là, on est plus près de Vanikoro, au milieu des Salomons, dans une île qui s'appelle Simbo. Et c'est là, je pense, qu'il faut aller travailler maintenant. Il y aura d'autres rebondissements. L'enquête n'est pas terminée sur le naufrage de la Pérouse. Merci à tous les deux, Jean-Christophe Galipo. Je rappelle le titre que vous avez coécrit avec Valérie Jauneau, Au-delà d'un naufrage, les survivants de l'expédition La Pérouse, édition Errance IRD. Et puis Bernard Jiménez, l'expédition La Pérouse aux éditions Glénat. Merci à tous les deux. Demain, notre bivouac cosmique nous emmènera à la découverte de 4000 ans d'astronomie chinoise et à 17h, nous prendrons la mer avec la pianiste chanteuse du projet Pianocéan qui vogue de port en port avec son instrument de musique. À demain donc pour de nouvelles aventures et dans un instant, le Mac de l'été d'Anna Sigalevitch.